La gomme coule en ardeur de cerisier. Cette journée, oh ma chérie, est tropicale. Endors-toi donc dans le parterre où la cigale crie aigrement au cœur touffu des vieux rosiers. Dans le salon où l'on causait hier, vous causiez. Mais aujourd'hui, nous sommes seuls, rose Bengale. Endormez-vous tout doucement dans la percale de votre robe. Endormez-vous sous mes baisers.